Comment les anciens se sont comportés avec l'Iyasiq des Tatars? Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son exégèse au sujet de la parole du Très-Haut. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate 5, verset 50. Le Très-Haut dénigre ceux qui dévient de la loi d'Allah sans équivoque, comportant tout le bien et interdisant tout le mal, et qui se dirigent vers une autre loi composée d'opinions, de passions et de termes forgés par les hommes sans se baser sur la loi d'Allah. Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent, issus des politiques monarchistes de Genghis Khan, qui leur a forgé le Iyasiq, qui correspond à un livre de lois composé à partir de différentes législations, juives, chrétiennes et musulmanes, et où se trouvent beaucoup de lois qu'il a tout simplement tirées de sa pensée et de ses passions. Ce livre est devenu une législation suivie par ses descendants, qu'il privilégie par rapport au jugement par le Coran et la Sunna. Or, quiconque fait cela est devenu mécréant. Fin de citation de Ibn Kathir. Il dit encore, rahmahullah, dans son livre « Al-Bidaya wa al-Nihaya », volume 13, page 127, « Quiconque délaisse la législation sans équivoque descendue sur Muhammad ibn Abdullah, le sceau des messagers, et demande justice aux législations abrogées, devient mécréant. Que dire alors de celui qui demande justice au Yasa' et le privilégie? Quiconque agit ainsi devient mécréant par le consensus des musulmans. » C'est ce qu'a dit Ibn Kathir, ainsi que le consensus des musulmans, concernant celui qui demande justice auprès d'une législation autre que celle d'Allah. Et c'est ainsi que les salafs au temps de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir ont entériné cette législation mécréante transgresseur des Tatars, à laquelle ils ne demandaient pas jugement, ne l'enseignaient pas, ne l'apprenaient pas, ne la pratiquaient pas, et avec laquelle ils n'avaient aucun lien. Cependant, ils ont rendu mécréants tous ceux qui se jugeaient avec. C'est ainsi que se sont comportés les musulmans à cette époque avec cette législation qui n'a laissé aucune trace sur eux. Si les gens pouvaient faire de nos jours ce que les musulmans ont fait à cette époque, ce serait une solution. Mais il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah le Très-Haut. Et dans ce que nous avons énoncé se trouve une suffisance pour celui qui cherche la guidance.